Chapitre 17e, dimanche 14 avril. De ce pays des Tzerana, il me restera toujours le souvenir de ces heures fraîches du matin passées au bord de l'oued Emkez, dans ce site délicieux, sur ces tapis d'anémone rouge. Près de notre camp, un petit bois d'oliviers très vieux abritait des bergers et des chèvres. Sur les montagnes environnantes, parmi les roches et les broussailles, deux ou trois petits hameaux étaient perchés en nid d'aigle. Rien d'africain dans le paysage, à part l'excès et la splendeur de la lumière. Et encore, nos campagnes atteignent-elles quelquefois cet éclat de verdure et cette limpidité de ciel bleu à certains jours privilégiés du beau mois de juin. Si bien que l'illusion venait complètement d'être dans un coin sauvage de la France, et on trouvait même fort étrange de voir sur les sentiers, entre les hauts foins en fleurs, passer ces fantasias affolées, ces bédouins et ces chameaux